الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، j'enregistre ce petit conseil après la demande du centre de da'wa de la ville de Dubaï concernant les récents événements et la propagation du nouveau virus corona. Il faut savoir avant tout qu'il n'y a pas une chose qui se passe sur terre sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar » Chaque chose nous l'avons créée avec une juste mesure et selon une destinée. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés sur cette terre pour nous éprouver. Parmi sa sagesse, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve par plusieurs types de situations. Allah ta'ala dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Donc Allah ta'ala nous dit dans ce verset qu'il va nous éprouver un temps soit peu par la peur, par la famine, par une diminution des personnes et des récoltes, annonce la bonne nouvelle aux patients. Toute chose est selon la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si l'on sait cela, alors le croyant s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Il place sa confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait avec certitude que tout se passe par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun » Et c'est en Allah que place leur confiance les croyants. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Dit, rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Et si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que lui ne peut l'enlever. Et s'il fait qu'un bonheur te touche, c'est qu'il est omnipotent. Le musulman sait avec certitude que tout est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne se laisse pas emporter par la panique, par l'exagération dans la peur, par l'anxiété, par le pessimisme. Car Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il est éprouvé sur cette terre. Quoi que cet être humain fasse, il ne peut pas fuir de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a destiné. Dans le verset où Allah ta'ala dans le Coran dit أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ Dans ce verset dans sourate al-Baqara, où dans le sens Allah Ta'ala dit « Ne vois-tu pas ces gens qui sont sortis de leur demeure par milliers, par peur de la mort ?» Il est dit qu'ils fuyaient une épidémie ou qu'ils fuyaient la peste. Mais Allah Subhanahu wa Ta'ala en a décidé autrement. فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا Allah a dit « Mourez !» Il les a tous fait mourir. « Thumma ahyahum » Et voilà qu'il les a tous fait revivre. Tout ceci est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est important de garder la tête froide et de ne pas être dans l'exagération, au risque de tomber dans le pessimisme, l'anxiété outre mesure. Et en même temps, l'islam nous a donné des recommandations concernant ce type de situation. Il faut savoir que ceci et par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui ne nous touche sans que ce soit par sa sagesse. Et une de ses sagesses, c'est que l'être humain, quand il fait des péchés et qu'il s'éloigne du chemin de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala le punit pour le purifier ou bien pour le pousser à se repentir et revenir au droit chemin. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim « وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ » Il n'y a pas un malheur qui vous touche sans que cela ne soit à cause de ce que vos mains ont acquis et il pardonne beaucoup. La corruption est apparue sur les terres et sur les mers à cause de ce que les mains des gens ont acquis pour leur faire goûter une part de ce qu'ils ont accompli, peut-être reviendront-ils. D'ailleurs, Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam Ibn Majah, et qui est un hadith authentique, a mis en garde: cinq malheurs vous toucheront, j'implore Allah pour qu'ils ne vous atteignent pas. Parmi les cinq malheurs cités, lorsque la débauche se propagera au point que les gens la commettent ouvertement, alors ils seront touchés par des épidémies et des maladies que leurs ancêtres n'ont pas connues. C'est-à-dire des nouvelles épidémies et des nouvelles maladies. Subhanallah. N'est-il pas le moment de se repentir à Allah, subhanahu wa ta'ala, de demander le pardon, de faire beaucoup d'istighfar, de se repentir de nos péchés et de revenir à la droiture, au lieu d'être pris de peur et d'anxiété et de transmettre toutes les rumeurs et d'avoir peur d'une créature invisible, car en réalité elle doit être grandie 500 000 fois pour être vue au microscope. Et cette créature est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il en fait ce qu'il veut. On voit aussi dans cette situation la grandeur de la charia de l'islam, de la législation islamique, qui a ordonné aux musulmans de faire les ablutions, de se purifier, de purifier leur corps. At-tuhuru shatrul iman, la purification est la moitié de la foi. Les grandes ablutions, se laver les mains avant d'aller manger, etc. Toutes ces mesures qu'aujourd'hui, les médecins encouragent et demandent aux gens de suivre. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nous a dit dans le hadith authentique: lorsque vous apprenez qu'une épidémie est dans un endroit ou dans une contrée, n'y allez pas. Mais si elle se déclare dans la contrée où vous êtes, ne la quittez pas. En se basant sur tout ceci, le premier des conseils, c'est de savoir que tout est fait selon la destinée d'Allah et selon sa volonté subhanahu wa ta'ala. Et personne ne peut atteindre la foi sans croire en la destinée. Deuxièmement, il faut s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et placer sa confiance en lui. Troisièmement, il faut se repentir, demander le pardon, faire le istighfar. Quatrièmement, il y a une invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée, qui est rapportée par l'imam Abu Daoud, dans laquelle il dit: Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal-junoun. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre la dépigmentation de la peau, la folie, la lèpre et toutes les maladies répugnantes. Aussi, et ce qui est important, de ne pas se laisser envahir par l'anxiété, par la psychose, par les insufflations sataniques, et de s'inquiéter de façon excessive et démesurée au sujet de cette épidémie ou autre, car tout est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les causes, c'est de pratiquer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné concernant la purification, concernant le fait qu'une personne qui est malade ne va pas aller se mélanger à des gens qui ne sont pas malades. Bien que la contagion n'est qu'une cause, elle ne peut pas agir d'elle-même. Elle n'agit que selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dernier conseil qui est essentiel: arrêtez de répandre les audios, les images, les écrits, les rumeurs infondées sur Internet et sur les réseaux sociaux. Encore plus dans ces moments-là, il est interdit à un musulman de faire peur à un musulman, comme il est venu dans le hadith sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il suffit à quelqu'un pour être menteur de transmettre tout ce qu'il entend, de répéter tout ce qu'il entend. Donc les personnes qui transmettent tout ce qu'on leur envoie, ce sont des menteurs, selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné, quand il y a des affaires générales: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Dans le sens de sa parole, quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. Si seulement ils la rapportaient aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité de la bouche du prophète de son vivant et des détenteurs du commandement. Et n'eût été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, vous auriez suivi le diable à part quelques-uns parmi vous. Ceci prouve que dans ce type de situation, nous devons revenir aux grands savants et aux détenteurs du pouvoir parmi les gouverneurs des musulmans et parmi les autorités sanitaires qui donnent les marches à suivre et les mesures à suivre dans ce type de situation. Ce n'est pas en revenant à toute rumeur, à tout ce que les gens colportent au ragot, que l'on va réussir à arranger les choses, mais au contraire, on va faire que les empirer, sans compter le grave péché qui est inscrit contre nous à cause du fait que l'on transfère et que l'on répète tout ce que l'on entend. Dans le hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dit dans le sens qu'il y a des gens qui sont enfoncés au fin fond de l'enfer à cause d'une parole à laquelle ils ne donnent pas d'importance, pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala est en colère contre eux. Donc que l'on craigne Allah subhanahu wa ta'ala et que l'on arrête de participer à cette campagne de terreur et d'anxiété et de faire peur aux gens de la créature au lieu de leur rappeler d'avoir peur d'Allah le créateur qu'ils vont tous retrouver demain, que ce soit à cause du coronavirus ou à cause du moment où Allah elle a décidé que cette personne elle va mourir, elle va lui retourner. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.